Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour les Infinite Wars 2015. Ils étaient 168 personnages au tout début des Infinite Wars il y a maintenant 2 mois. Ils ne sont plus que 64, 32 personnages des univers comics et 32 personnages des univers écrans. Chaque semaine, nous vous proposons un combat qui opposera 8 personnages. Il ne restera qu'un à la fin de chaque émission avant la grande finale qui aura lieu le dimanche 6 septembre en direct. Le round 7 des Infinite Wars 2015 commence maintenant. Et avec moi, comme pour toutes les émissions comics, Arnaud. Salut. Byron. Salut. Clément. Salut. Elvire. Salut. Et Nib. Salut. On va attaquer direct, maintenant que voilà, c'est l'avant-dernière émission, la dernière émission pour les comics. Tout le monde connaît les règles. On va passer donc au premier duel. Kamandi, que je vais défendre, contre Daredevil, qu'Elvire va défendre. Alors Kamandi, bah, je vais commencer parce que c'est quand même celui qui est le moins connu. Kamandi, The Last Boy on Earth, le dernier homme sur Terre. C'est un personnage qui a été créé par Monsieur le Roi Jack Kirby, qui a créé non seulement les dessins mais aussi les histoires, et qui date d'octobre 1972. C'est le héros de la série Kamandi, qui est sorti en 2 tomes chez Urban, qui est une série de style un peu... Bah, qui est une série de post-apo, tout simplement, parce que Kamandi est le dernier survivant de la Terre. C'est un personnage voilà, qui a déjà réussi la prouesse d'être le dernier homme vivant, et qui du coup va devoir lutter contre toutes les menaces pour maintenir, tout simplement, faire pérenniser l'humanité, puisque une fois qu'il sera éteint, l'humanité sera aussi éteinte. Et ce serait bien triste que ça arrive aussi dans ces Infinite Wars. Elvire, présente-nous Daredevil. Alors moi, Daredevil, c'est de sa véritable identité, Matt Murdock. Donc un avocat le jour et un super-héros la nuit. Il est, voilà, comme un peu comme She-Hulk. Il a aussi la particularité d'être aveugle. Il est devenu aveugle suite à des produits chimiques qui sont tombés alors qu'il tentait de sauver quelqu'un. Il y a des produits chimiques qui lui sont tombés dans les yeux et ça a causé ça. Enfin, aveugle, pas tout à fait. Il voit différemment que nous, on va dire, mais il voit quand même ce qui se passe dans l'espace, et donc ça lui a fait aussi développer tous ses autres sens, et donc la nuit il se transforme en Daredevil et il va combattre il combat le crime le jour et la nuit et voilà. Okay. Pour le présenter. Okay. Et pourquoi devrait-il battre mon Kamandi? Parce que vous devriez, sans mauvais jeu de mots, mais voir ce qu'un homme aveugle peut faire. Donc il a beau être aveugle, il est totalement badass, il arrive avec ses mains à main nue à terrasser ses ennemis. Il a su dépasser cet événement dans sa vie pour en faire une force, et donc il a pu développer tous ses autres sens après. Et il peut se battre comme s'il voyait. Et donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, et j'aime bien les personnages qui se dépassent, qui se laissent pas abattre par des choses avec lui, parce que sa mère est morte. Sa mère sortait les violons, sa mère est morte. Il est aveugle non plus. et donc voilà, il a su dépasser ça, et c'est toujours le fil rouge dans mes personnages, même dans sa véritable identité. Il combat aussi les injustices et le crime parce qu'il est avocat. Ok, ouais. Alors tu veux sortir les violons, je vais les sortir aussi. Sa mère est morte, ok, mais lui au moins il l'a connu. puisque Kamandi a été élevé par son grand-père, il n'a jamais connu ses parents. Et en fait, il s'est passé ce qui s'appelle le grand désastre. C'est un scientifique qui a développé une drogue qui a rendu intelligent tous les mammifères. Et du coup, sur cette planète-là, les mammifères ont pris le pas sur l'homme qui ont fini par s'éteindre petit à petit. Et Kamandi, c'est le dernier homme à être survivant après la mort de son grand-père. Et c'est la mort de son grand-père qui va le forcer à sortir de son bunker et à prendre les choses en main et à vendre chèrement la peau de l'humanité. Donc c'est un personnage en plus qui a aucun pouvoir en dehors du fait d'être endurant, agile. Enfin voilà, c'est juste quelqu'un d'entraîné et voilà, c'est un mec qui est un peu baraque et qui sait un peu se débrouiller et voilà et qui est qui Il a le... s'entraîne aussi, Matt Darneville. Il ne devient pas super fort comme ça. Hein. Oui, mais il a au moins ses sens qui sont surdéveloppés, ce qui aurait été, je pense, utile à Kamandi dans cet univers-là. Kamandi, c'est un personnage qui, en plus de ça, a des origines très nobles, puisque dans son arbre généalogique, si on regarde très très très loin, on retrouve une certaine Lois Lane et un certain Clark Kent. Oh, c'est un fils de... Non, Un c'est pas un cousin. fils d'eux, c'est sur une branche. Non, non, il a fait sa renommée à partir de ses C'est ancêtres, sur une branche très éloignée. pistonné. Non, on l'apprend très tard qu'il est descendant très lointain de Oui, ses mais dieux. il le dit quand même, hein, tu vois, même si très tard, il s'en vante un peu. Voilà, donc non, c'est Oh pas lui là qui le là, dit, c'est pas c'est Jack Kirby qui nous le dit. Donc voilà, moi je trouve que cette personne, voilà, ce gamin qui a vécu dans la peur de voir l'humanité s'éteindre et surtout de peut-être de perdre son grand-père et du coup qui a causé le fait qu'ils soient cloîtrés tous les deux dans ce bunker et puis la force qu'il en a tirée. Et voilà, c'est le dernier humain quand même. Et ça devrait compter. C'est tout Le ce que je monde viens de dire. s'éteint aussi pour Daredevil, mais qu'il voit plus. Alors là, tu vois, avec cette honteuse plaisanterie sur son handicap, tu devrais perdre. C'est pas un handicap. On va passer au point. Kamandi a récolté un point de la part des auditeurs, malheureusement. Il a fini avant-dernier de cette poule, de cette émission plutôt. Et Daredevil, lui, n'a pas fini premier. Et c'est peut-être un signe. Il a fini deuxième. Il a récolté 4 points de la part des auditeurs. Elvire, tu donnes ton point à... Ah non, il veut. Voilà. Je donne mon point à Kamandi. Et je vais demander maintenant à Arnaud plutôt de trancher. Je connaissais pas, mais tu l'as très très bien vendu. J'adore Daredevil, mais comment dire? Byron. Daredevil pour moi. Clément. Daredevil. Nib. Comment dit? Et tout le monde a voté. Donc 9 à 6 pour Daredevil, puisque je n'utilise pas mon Joker pour ce personnage de Kamandi. Daredevil atteint donc le stade suivant et il va devoir affronter le vainqueur du match qui arrive, qui va opposer le Clint Barton Hawkeye de Manon, qui n'est pas là ce soir, contre ma Batco. Manon n'est pas là pour défendre Clint Barton Hawkeye, on va quand même vous le présenter. Je vais demander peut-être à quelqu'un d'autre de le faire, puisque j'aurais peut-être tendance à peut-être le dévaloriser même involontairement face à Batco. Donc si quelqu'un veut bien présenter au moins qui il est, ne vous gênez pas. Voilà, c'est bon, il est présenté. C'est un archer, ok. Non, personne n'a envie de le Bah, c'est un défendre. archer qui fait partie des Avengers. Oui. Je peux pas en dire grand-chose de lui. Il Ah. a une relation, bah, je veux dire, il est lié à Natasha Romanoff. Ils sont souvent en duo. Désolée, D'accord. Manon, pour cette présentation. Il est aussi en duo avec une autre, avec un autre Hawkeye, qui est une femme. J'ai oublié son nom. Kate Bishop. Kate Bishop, qui est une ancienne Young Avengers. Et elle a réussi à mériter le nom de partager le nom de Hawkeye avec Clint. Et du coup, ils sont aussi en duo tous les deux. Je vais vous dire pourquoi la Batco devrait gagner. D'abord, je vais vous la présenter. La Batco, elle est apparue pour la première fois dans le numéro 1 de Batman Incorporated, la deuxième série de Grant Morrison, et sous le trait de Chris Burnham. Elle est apparue dans une scène qui est rapidement de légendaire, juste cette petite case où on voit cette vache au milieu d'un abattoir, il y a eu un carnage. Il y a juste cette vache qui est survivante, avec cette espèce de petit symbole de chauve-souris entre les deux cornes qui est dessiné dans ses poils. Et Robin à côté, Damian Wayne, qui la regarde et qui dit à partir de maintenant, je suis végétarien. Mignon. Et voilà, la Batco, elle est mignonne, mais elle est aussi, elle est forcément hyper touchante. Son me à la fin du numéro hommage à Damian, enfin c'est un me. Et le regard que Chris Burnham a réussi à lui donner, c'est incroyable, c'est déchirant. Voilà, c'est Et je ne tomberai pas dans la bassesse de dire c'est juste une vache, non, hein, comme les Rocket Raccoon ou Non, les mais groupes. elle, elle parle pas. Elle parle pas, elle Oui, fait mieux, et justement, sans parler, elle arrive à faire passer beaucoup plus d'émotions que n'importe lequel des autres arbres qui parlent. elle a quand même poutré quelqu'un d'Apocalypse. Oui, elle a en plus été transportée dans l'univers d'Apocalypse et elle a poutré, effectivement, elle s'est défendue pour faire revenir Damian, qui était finalement celui qui l'a fait survivre, et lui a renvoyé l'ascenseur. Et je garde des arguments pour son prochain affrontement face à Daredevil, parce qu'il ne fait aucun doute que Batco va mettre une tannée à Hawkeye. Batco est le personnage qui arrive en tête des votes des lecteurs pour cette émission, et j'en suis ravi. Elle a récolté donc les 5 points. Et Hawkeye, quant à lui, est arrivé en 6e position sur 8 et récolte donc 1 point. Je vais vous demander maintenant, évidemment, je vais attribuer mon point, je vais partir du principe. Ah bah non, maintenant on n'est pas là, donc elle n'attribue pas de point. C'est triste. Elle lui aurait donné. Elle lui aurait donné, non. Bon, allez, je vais lui mettre un point. Je vais lui mettre un point parce que je suis seigneur et que je sais que j'en aurais pas peur. Allez, Arnaud. Aurais-tu peur? Non. Très confiant en ma Batco. Et t'as raison, je vote pour elle. Byron. Batco. Clément. Batco. Elvire. Clint Barton. Nib. Désolé Manon, t'as bien présenté le personnage, mais je vote Batco. Batco écrase, et c'est pas un jeu de mots, Clint Barton, 14 à 4. Et la batte vache va venir se frotter au justicier de Hell's Kitchen juste après les deux prochains duels. Elvire, tu vas devoir défendre Hulk. Oui. Manon, coucou Manon, tu vas devoir défendre Miles Morales. On va présenter Miles Morales d'abord. Nib, en tant que grand fan de Spider-Man, est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu as trop de rancœur contre le personnage et tu... J'en ai beaucoup, mais je vais rester professionnel. Alors vas-y, qui est Miles? Alors, Miles Morales, c'est un petit gamin afro-américain de... qui vit dans le même univers que... Et latino, en plus. Voilà, là, latino. Il mélange les deux. Voilà. C'est ça. Donc, dans l'univers d'Ultimate Spider-Man. Et donc, il se fait mordre aussi par une araignée. Et il reprend le rôle de Spider-Man après la mort du coup de Peter Parker des mains du Bouffon Vert. Mmh. Enfin, il a pris une balle et le Bouffon Vert l'a achevé. Et du coup, Miles Morales, ça, il a été entraîné entre guillemets par merde, comment ça s'appelle, Spider-Woman, si je me trompe pas. Et ouais. Du coup, il a eu du mal à assumer son rôle de Spider-Man au début, mais après que ouais, Tante May, elle lui ait fait en cadeau les lance-toiles de Peter. Du coup, il s'est dit, je suis Spider-Man, donc. Voilà, c'est le nouveau Ultimate Spider-Man en fait. Voilà, qui avait en fait, voilà, qui était tellement fan du Peter Parker, enfin, du Spider-Man de base, qu'il voulait pas prendre le relais jusqu'à cet événement effectivement. Elvire, présente-nous Hulk pour la forme et explique-nous pourquoi il devrait battre Miles. Alors pour la forme, donc Hulk, c'est l'alter ego de Bruce Banner. Donc Bruce Banner devient Hulk parce qu'il faisait des essais sur une bombe à rayons gamma. Et c'est en voulant protéger quelqu'un qui, en fait, se trouvait être un espion à la solde des Russes, il me semble. Donc, il pousse... Comment ? Oui, je te crois sur parole. C'est donc en voulant sauver quelqu'un, bah, lui, il n'a pas le temps, au final, de se protéger. Donc, il se prend tous les rayons gamma et, à la grande surprise, il ne meurt pas. Et donc, il développe... voilà, quand il est en colère, il se transforme en mastodonte vert, bah, à la base gris, et qui devient vert après dans les comics. Donc voilà Okay. Et pourquoi devrait-il battre Miles? Pourquoi il devrait le battre? Je sais pas, mais moi j'aime beaucoup le personnage de Hulk, Bruce Banner, parce que c'est un des rares super-héros qui... Bah, enfin, il y a beaucoup de super-héros qui, au départ, n'arrivent pas à se faire à leur pouvoir et le gèrent mal, mais après, ils s'en accommodent et ils en font une puissance. Mais avec Hulk, ça reste toujours une blessure, même s'il fait avec et il arrive à s'en servir. Mais voilà, c'est parce qu'il doit le faire, c'est parce qu'il est dans les Avengers. Et c'est limite à contre-cœur qui se sert de son pouvoir. Donc, il y a toujours cette blessure il n'assume pas, il aime pas ce qu'il est devenu, et s'il pouvait retourner en arrière, il le ferait. Et c'est ce que j'aime bien, cette comment dire, pas faiblesse, mais si, peut-être c'est cette faiblesse dans ce personnage-là que je trouve profondément touchant, qui sait pas quoi faire de ce qu'il est. Et il y en a d'autres avec de plus mauvaises intentions qui tu pourrais devenir le maître du monde en étant Hulk, bah tu pourrais voilà, c'est une armée à lui tout seul, mais lui voilà, il est perturbé par ce qu'il est devenu, et j'aime bien ce côté psychologique. Ok, très bien. Nous allons passer au point maintenant. Miles Morales a reçu 2 points de la part des auditeurs et Hulk a fini dernier des votes et ferait... Dernier? Et ouais, c'est une surprise. Il à chaque étape, il est passé à ras les pâquerettes à chaque phase et il s'est hissé c'est un survivant des votes. Et donc, du coup, il a fini dernier de cette émission et récolte donc 1 point. Donc, Miles a pour le moment 1 point d'avance puisque j'imagine que tu donnes ton point à Hulk, Elvire, et que donc oui. Manon, par défaut, donnera son point à Miles. Nous allons donc à nous-mêmes trancher. Arnaud. Pour être honnête, aucune idée. Mais vraiment aucune idée. D'accord. je vais dire Miles. Clément ? Je vais te défoncer. Mais ça m'a touché le fait qu'il ne veuille pas accepter le rôle de Spider-Man parce qu'il a beaucoup de respect pour Peter Parker. Je vais dire Hulk. Hulk pour Clément. Hulk. Byron. Moi aussi, Hulk, je pense. Nib. Je vais voter Hulk, au-delà du fait que c'est un chouette cœur, c'est Elvire a bien pointé du doigt le truc de Hulk qui me touche beaucoup, c'est le mec il subit plus qu'autre chose et il veut rester seul, quoi. C'est ça que j'aime bien chez lui. Ok, pour ma part je vote Miles Morales sans hésitation, parce qu'en fait j'aime pas Hulk dans les comics tout simplement. Bienvenue au club. Miles Morales, 7 points, Hulk... 8 points, Hulk passe donc l'étape suivante, et Elvire réussit encore à passer un de ses personnages. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Peut-être toi, Arnaud, avec Scarlet Witch, puisque c'est Elvire qui va défendre le Joker. Arnaud, Scarlet Witch. Scarlet Witch ou la sorcière rouge, c'est donc la fille de Magneto, la sœur de Quicksilver. Mm-hmm. Tout simplement, c'est un personnage... qui a fait partie des Avengers, mais qui aussi était du côté ennemi. Ça dépend des versions, bref. Mais c'est un personnage surpuissant, quand même. Son pouvoir, c'est d'altérer la réalité. Elle peut faire en gros ce qu'elle veut. Mmh. Et elle a déjà fait plusieurs choses. Quand elle est énervée, par exemple, elle a carrément décimé un peuple, enfin les mutants, on va dire. Donc, elle a décimé les mutants, elle a supprimé tous les pouvoirs des mutants. Et donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec ses pouvoirs. Et elle peut même se créer des enfants, ce qu'elle a fait avec Wiccan et Quicksilver, je crois qu'il prend, il reprend le nom aussi. Mm-hmm. Donc, les deux des Young Avengers. Donc, juste son pouvoir, il est surpuissant et elle peut altérer la réalité, faire ce qu'elle veut, modeler la réalité selon sa convenance. Et d'accord. Supprimer ce qu'elle n'aime pas. Et Elvire, on va le présenter quand même, le Joker. Ah, je vais pas faire l'insulte de présenter vraiment qui c'est. Donc un des ennemis, enfin un personnage emblématique, toute maison confondue, que ça soit Marvel ou DC, c'est vraiment un personnage pour moi qui transcende parce qu'il est connu de tous et il est pas aimé, mais bon, il est connu de tous, on va dire. Et donc un des grands ennemis de Batman. J'ai pas le présenter en soi. Mais pourquoi je l'ai choisi? Alors tout le long des émissions, j'ai dit que j'avais un fil rouge avec des justiciers et tout ça. Et là, c'est l'antithèse. C'est totalement l'inverse. C'est un maître du crime, un personnage très intelligent, un psychopathe. Donc tout ce qui est l'antithèse de ceux qui défendent la justice et tout, lui, il défend le chaos, l'anarchie. Et c'est quelqu'un qui est voilà intelligent, mais aussi dans sa folie. Comment dire, intelligent et fou en même temps. C'est deux termes qu'on penserait pas pouvoir mettre ensemble, mais avec le Joker, ça matche complètement. Et il a une telle obsession qui tourne autour de Batman et autour du chaos. Voilà, qu'il en devient très intelligent là-dedans. Et mais voilà, il est prêt à énormément de choses pour arriver à ses fins. Si on voit, je sais pas si j'ai le droit de défendre. Dans la cour des hiboux, mais là, est-ce que je défends une série et pas le personnage? Tu peux, parce qu'il n'est pas dans la cour des hiboux, donc vas-y. Mais si. Non. Enfin, non, ce qui est après. Il est après, dans... Après, oui, mais pour moi, c'est... Le deuil de la famille. Le deuil de la famille. La famille. Voilà, il est prêt à se découper le visage pour pouvoir retourner dans Gotham, et bon, bah voilà. En tant que criminologue, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir en face de moi. Pour comprendre à quel point on peut tomber dans cette folie et tout en gardant une grande intelligence. Et voilà, j'aime bien cette antithèse de tout ce que je défends, mais qui est totalement génial. D'accord. Pourquoi Scarlet Witch devrait battre le Joker, Arnaud? Parce que c'est pareil, c'est un personnage très intéressant. Par rapport à son positionnement, elle a d'abord été une ennemie, justement à cause de son père, Magneto. Mais elle a aussi, elle est aussi revenue dans le droit chemin, disons, elle a fait partie des Avengers. Mais à cause justement, sans doute, de sa filiation avec Magneto, tout ça, elle a des soucis de psychologiques, elle a des difficultés à trouver où elle peut être et qui elle peut être. Et du coup, c'est un personnage que je trouve très intéressant. Et puis son pouvoir, et merveilleux. Si elle voulait, elle pourrait rendre le Joker sain d'esprit, si elle le voulait. Et du coup, on aurait plus toute cette double dimension qui plaît tant à Elvire. Ah, le twist de malade. Mais ils se rencontreront jamais. D'accord, on va passer au point. On va se passer au point pour dire que Scarlet Witch a récolté 3 points des auditeurs et que le Joker en a récolté quant à lui 2. Non. Sérieux? Ah oui, bah oui, écoutez, c'est l'émission des surprises. Un point chacun pour votre personnage, on est OK? Oui, c'est de la défendre. Byron. Le Joker pour Byron. Pour Clément, ce sera. Le Joker. Joker pour Clément. Nib. Je vote Scarlet Witch. Merci. C'est là aussi. Il reste plus que moi? Il reste plus que moi, c'est ça? Oui. Scarlet Witch. Merci. Plot twist. Scarlet Witch élimine donc le Joker 8 à 7. Et c'est un des rares personnages d'Elvire, et c'est peut-être même le seul personnage d'Elvire qui n'aura pas passé le premier tour, en dehors de Miss Marvel, mais qui a déjà été éliminé par un de tes personnages. Ah non, Captain America aussi, qui a été lâchement, non, lâchement jokerisé par Arnaud. Ouais. Mais enfin, ça fait partie de là. On est parti pour les deux derniers affrontements avant la finale. Daredevil, pour commencer, Elvire, c'est toi qui vas tenter de prendre ta revanche contre ma Bat-Cow. Pourquoi Daredevil devrait battre ma vache? Mais j'ai l'impression que tout ce que je dirais, ça sera annihilé par le fait que c'est une vache, et qu'elle fait meuh, et qu'elle est tellement tendre et tout. Mais à part faire meuh, voilà, moi, d'un niveau, il aide d'autres personnes, parce que la Batco, est-ce qu'elle aide vraiment les autres gens? Est-ce que, on sait pas, on lui prête des choses, des sentiments qu'on pourrait pas savoir, parce que ça, malheureusement, elle parle pas. J'aimerais bien qu'elle puisse parler. Elle pourrait nous apprendre plein de choses. Je vais te dire, elle peut parler. Et je vais te dire ce qu'elle va te dire. Elle va te dire que je prends mon Joker et qu'elle te nique ton Daredevil. On a le droit, le Joker, au deuxième tour? On a dit pas à la finale. Ah, ok. Et ça serait quand même malvenu de ta part qui a éliminé mon Dick Grayson au deuxième tour. Mais enfin bon. Ah, je m'en souvenais pas, mais pas de souci. Ça fait longtemps qu'on enregistrait cette émission. Ah, c'est vrai, ça fait 4 semaines. Donc, Batco accède à la finale de cette émission. Affrontera-t-elle Hulk d'Elvire ou Scarlet Witch d'Arnaud? Arnaud, pourquoi Scarlet Witch devrait-elle battre Hulk? Parce qu'elle peut donner à Bruce Banner ce qu'il a rêvé toute sa vie. Elle peut lui retirer son pouvoir, enfin, ou plutôt sa malédiction, vu que c'est ce qui voit son pouvoir comme une malédiction. Donc elle peut lui rendre sa vie telle qu'il la veut, et voilà, elle peut ouais, aider les gens. Si tu l'élimines, mais elle pourra pas faire ça. Pourquoi? Mais il veut pas l'éliminer, il veut la sauver. Non, mais oui. Si tu élimines Hulk, elle pourra pas l'aider, il sera éliminé, le pauvre. Mais il veut pas la tuer, il veut pas le tuer, il veut juste le guérir. Voilà, est-ce que la tuer va le guérir à redevenir humain, à se débarrasser de sa maladie? Mais là, si, oui, mais si tu l'élimines dans le jeu, ben c'est fini pour lui. Oui, mais Scarlet Witch élimine Hulk, pas Bruce Banner. Elle garde l'humain, elle est généreuse. Elle est généreuse. Alors, pourquoi Hulk devrait-il en sortir? Mais Hulk aussi, si on parle, il est généreux aussi, il préférait être tout seul, il a ce sens du sacrifice, où il est prêt à sacrifier sa vie, à être tout seul sur une petite île, plutôt que de vivre parmi les gens, parce qu'il a peur de ce qu'il peut être. Et je pense qu'on devrait ne pas le laisser tout seul dans son coin, lui tendre la main, parce qu'il n'est pas... Il n'a pas besoin d'être seul, il peut redevenir humain. Mais non, mais non, que dans ta petite tête. Mais c'est toi qui fais des hypothèses. Mais là, on est sur des faits et pour le moment, c'est pas son possible. Pouvoir, elle peut lui donner le pouvoir. Mais elle l'a pas fait depuis et les gens qui les écrivent ne l'ont pas fait faire. Donc j'aurais eu un. Parce que j'ai pas écrit sur le personnage, sinon je le ferais. Mais j'aurais eu un petit indice dans les comics qui fait que c'était possible. Nous rappelons que Hulk. Et sinon, il vous cassera la gueule. Oh putain. Nous rappelons que Hulk a remporté un point de la part des auditeurs et trois points pour Scarlet Witch. Un point de la part d'Elvire, un point de la part d'Arnaud pour Scarlet Witch. Et on va enchaîner avec Byron. Moi, je donne mes points à Hulk. Hulk pour Byron. Merci. Clément. Hulk. Nib. J'aime beaucoup Scarlet Witch, mais toujours choix de cœur, je vais voter Hulk. Merci. Ne prends pas mal, Arnaud. Je vais voter pour Scarlet Witch pour plein de raisons qu'Arnaud n'a pas évoquées. Mais voilà, Scarlet Witch, incroyable. Scarlet Witch 6, Hulk 8. Hulk arrive donc en finale de cette émission. Et on va donc avoir le choc des titans entre Hulk et la Bat-Vache, la Bat-Cow. Oh. Elvire, est-ce qu'on a besoin de le faire? On a besoin de le faire. Elvire, est-ce que tu veux donner un argument en faveur de Hulk? Maintenant, on a déjà donné tous les arguments, toi aussi, passons au vote. Ah non, j'ai des arguments en plus pour la Bat-Cow, moi. En plus. Est-ce que la Bat-Cow pourrait contrer les pouvoirs de Hulk? Parce qu'elle est assez forte pour ça. Elle serait capable de l'attendrir et de le calmer, je pense. On devrait les garder tous les deux. Avec son petit meuf. Parce que la Bat-Cow, c'est quand même le seul animal des comics à m'avoir fait pleurer. Mais et rien que pour ça, elle mérite. Là, rien que pour ça, elle mérite d'aller en finale. Vous avez parlé d'un putain d'arbre qui parle, d'un putain de Rocket Raccoon là qui parle aussi. Je vais le répéter, elle parle pas. Elle est devenue instantanément la meilleure amie de Robin, de Damian. C'est elle qui l'a pleuré la première. Elle a eu droit à son histoire à elle toute seule dans le dernier numéro de Batman Incorporated. Il y a même eu des rumeurs comme quoi elle aurait pu avoir sa série. C'est dire si elle est populaire. Et en plus, elle est arrivée en tête des votes pour cette émission. Et Hulk, je rappelle, est arrivé dernier. Non, mais c'est parce que tout le monde le prend pour une brute sévère, alors qu'il y a beaucoup de préjugés à Hulk. La Vache, avec son petit regard bovin et son nœud, ça y est, elle met tout le monde dans sa poche. Alors que Hulk, ouais, c'est difficile, tu vois un gros monstre vert, t'as pas envie d'aller, à part si c'est le Jean Vert, il te fait oh oh oh. Mais sinon, t'as pas envie d'aller voir un gros monstre vert. Et donc voilà, c'est de la discrimination au faciès. D'accord, oui, parce que c'est sûr qu'une vache, elle va pas être discriminée au faciès. Bah non, enfin, parce qu'on se méfie pas d'une vache. On va passer au vote, comme tu le disais tout à l'heure. 5 points pour Bat-Cow de la part des auditeurs, 1 point pour Hulk de la part des auditeurs, 1 point pour moi pour la Bat-Cow, 1 point pour toi pour Hulk. On va passer maintenant Arnaud. À la vache. Byron. Moi toujours à Hulk. Merci. Clément. La Bat-Cow. Nib. Alors, j'aime beaucoup la Bat-Cow, c'est vrai que c'est trop mignon, t'as su toucher la corde sensible, mais Elvire a raison, je vais voter Hulk, déjà ça c'est clair et net, mais disons que Hulk, j'aime beaucoup, c'est le gars, il acquiert de la puissance en fonction de sa colère. Il a réussi à battre un ennemi qui lui était à puissance maximale, l'abomination qui lui est tout le temps surpuissant. Et ça montre bien que avec de l'effort, tu peux devenir plus fort. Désolé, j'ai fait une rime. Mais voilà. Donc je vote Hulk. Bat-Cow 10, Hulk 6. Et la Bat-Cow est donc le personnage qui triomphe aujourd'hui. Mais vous le savez maintenant, il y a un twist. Ah. Parmi les personnages éliminés d'office et qui n'ont jamais été soumis au vote des auditeurs, il y en a une qui appartenait à Byron. Byron, tu vas devoir nous convaincre d'échanger Bat-Cow contre Power Girl. Je vais éviter une vanne sexiste. Ouais, et moi j'ai envie de dire que juste Bat-Cow, elle a pas besoin de montrer ses mamelles pour assurer la fin. Tu l'as fait. Vas-y, Byron. C'est un peu moins sexy. Byron. Ouais, non. Mais en fait, je dirais bien Bat-Cow, c'est quand même mieux, quoi. Enfin, tu peux te retirer, t'as droit. C'est ouais, pas ça. Ouais, je me retire parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire sur Power Girl. En fait, je l'ai pris parce que c'était quand même un perso majeur, quoi. Mais pas ça, la Bat-Cow, elle fait pas le poids. Ouais, et puis bon, elle mérite pas d'aller en finale, quoi. Enfin... Ok. Attends, t'es un coach, t'es censé défendre ton champion. Donc, tu votes pour la Bat-Cow, donc. Ouais, voilà. Parce que bon, Power Girl, elle est bien, mais bon. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut échanger Bat-Cow contre Power Girl? Bah, moi. Parce qu'elle a supprimé Hulk. Mon préféré. Et les autres? Non. Bat-Cow sera donc présente le 6 septembre en finale, en direct, et elle affrontera notamment She-Hulk et l'oncle Ben. On se dirige vers une finale. vers une finale what the fuck comme jamais. Et j'ai de plus en plus hâte d'être, ben finalement, à dans 2 semaines, parce que maintenant il nous reste plus qu'une émission consacrée aux univers ciné et cinéma télé. Donc on se retrouve rapidement dimanche prochain pour le dernier round. Et puis, le 6 septembre pour la finale. D'ici là, bonne fin de vacances et à bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.